Cucun paca palais, c'est boudin qui bava. Le vagin est muet, le ventre est bavard. Eugénie d'Aragon. On ne voit que dans le wagon de métro. Impossible de les louper, ces trois-là, vu comme la grosse blonde aux sourcils noirs, la dénommée Magali, se fait remarquer. Elle change sans arrêt de siège, parle aux inconnus, elle sent le rhum. Mais il est possible qu'elle surjoue l'ivresse pour amuser ses deux copains et tenir son rôle de taré jusqu'au bout, de ses ongles rongés qui sentent encore le KFC. C'est vendredi soir. Elle s'est faite toute belle, a enfilé sa jupe de grosse dentelle noire délicatement élastiquée autour de ses bourrelets, avec un short dessous, pour ne pas que tout le monde voie son cul. Ses bottines de peau retournées ont dû être noires avant d'être grises. Son haut noir est à la fois très décolleté sur sa poitrine généreuse et trop court, ce qui laisse 15 bons centimètres d'émerveillement sur sa couenne. Comme il ne fait pas si chaud, en cette fin avril, elle a enfilé un perfecto trouvé aux puces de Clignancourt, et Dieu sait ce qu'elle traîne dans son sac à main en simili beige, tellement vieux qu'elle a dû l'acheter en francs. En retournant lorgner le bébé métis, elle a répété aux parents qu'il était trop chou. Il faudrait être con pour ne pas voir qu'elle ne rêve que d'une chose, se faire engrosser par l'un de ses copains antillais. Parce que Magali est une fille à black. Elle ne jure que par ça. « Once you go black, you don't go back ». Elle trouve qu'ils sont meilleurs au lit que les blancs et globalement irrésistibles. Elle avait des posters de Yannick Noah, de Tony Parker et de Doc Gynéco dans sa chambre d'ado à Bry-sur-Marne. Elle aurait tellement aimé qu'on lui écrive « Ma salope à moi » et ressembler à Beyoncé. Mais elle ressemble à Magali, pas plus exotique qu'une andouille de vire sur l'étue. Admirer son piercing de langue chaque fois qu'elle rigole en ouvrant grand sa bouche à la Béatrice Dalle, une bouche trop grande avec les dents écartées. Une bouche qui proclame des conneries dont tout le wagon profite et qui suce religieusement toute bite de nègre qui traîne trop longtemps dans les parages. Ce soir, elle est de sortie avec Steve et Martin, deux Guadeloupéens comme elle les aime, fraîchement arrivés de leur île, qu'elle a rencontrés en boîte de nuit Zouk il y a 15 jours entre deux verres de planteurs. Ils lui ont promis de l'emmener au pays en août prochain. Elle a tout gobé, a même posé ses vacances à l'APHP, se voit déjà en bikini sur une plage de cartes postales. C'est son petit rêve de prolétaire moyenne. Quant à eux, sincèrement, ils n'y sont pour rien si elle accumule tous les symptômes de la métropolitaine qui veut se faire couillonner. Ils sont pas vraiment méchants, les deux lascars. Ils ont juste pigé que la nana est en plein délire. « Je suis une white nigga et je fais les acras de morue aussi bien que ta mère. Resserre-moi du punch coco. » Alors, il lui donne ce qu'elle réclame. Elle a déjà rebaptisé Martin « mon chéri ». C'est un chabin, clair de peau avec les yeux verts et un borsalino blanc sur sa coupe afro-châtaine. Elle appelle Steve le plus noir « Doudou ». Dreadlocks jusqu'au milieu du dos, t-shirt aux couleurs de la Jamaïque, visage creux. En retour, ils n'ont malheureusement rien trouvé de plus affectueux que « blondasse ». Mais entre eux, ils s'appellent « frères », en avalant les R. Elle les trouve trop stylés, avec leur froc qui leur tombe à mi-cul. Steve n'a pas dû beaucoup aller à l'école, vu qu'il a du mal à déchiffrer le nom de la station Montgalet. Alors elle l'aide en lui caressant la main. Ils descendent à Porte Dorée pour aller à la Foire du Trône. Notre aide-soignante va leur payer des bières parce que, comme tous les écumeurs de marmite, aucun d'eux n'a d'agent. Et ils traverseront bras dessus, bras dessous, les odeurs de frites, de barbe à papa, de beignets. Pendant qu'elle mettra la main au porte-monnaie, ils lui mettront la main au cul et tout le monde sera content. Elle prend ça pour de la reconnaissance, de l'affection. Elle est prête à tout pour qu'on l'aime, Magali. Il ne lui vient pas à l'idée que Martin et Steve ne sont que des profiteurs qui s'en tamponnent de ses petits problèmes à la salpêtrière. Il la taquine en lui disant qu'elle a des goûts de princesse, de bourgeoise. Quand elle dit qu'elle voudrait un gobelet pour sa bière, il la vanne en créole, en touchant ses grosses cuisses cellulitiques à travers la dentelle. Elle comprend rien. Elle rigole quand même. Elle espère que l'un des deux la ramènera chez lui pour lui faire un câlin parce qu'elle crève d'envie de tendresse. Du sexe encore, elle en a souvent. mais de la tendresse, elle a du mal à se souvenir comment c'est. Elle préférerait Martin parce qu'il a les yeux clairs. Mais si c'est Steve, c'est bien aussi parce qu'il habite plus près de chez elle. Et vu qu'aucun des deux ne lui proposera ni de rester dormir, ni de la raccompagner, c'est quand même plus pratique. Regardez-les. Ils marchent de moins en moins droit, des auto-tamponneuses au grand 8. Et comme elle commence à avoir envie de gerber, il lui propose de quitter le bruit et les lumières gueulardes de la fête foraine pour marcher dans le bois de Vincennes. Elle se demande si c'est d'avoir été secouée dans les manèges ou si c'est la bière et le joint mélangés aux antidépresseurs. Mais elle a besoin de s'asseoir au calme. Steve, très serviable, lui porte son sac. On n'a jamais été aussi gentil avec elle. Une fois à l'écart, elle vomit, l'avant-bras appuyé contre un tronc d'arbre, pendant que les deux zèbres restent là, inutiles, à regarder leur portable en attendant que ça se passe. Une douce mélodie de Maître Gims au loin ne couvre pas ses rots. Il pourrait lui ramener quelque chose à manger ou un coca ou n'importe quoi pour qu'elle se sente moins tarte, mais il n'y pense pas. C'est qu'il pense rarement à quoi que ce soit qui ne soit pas pour leur gueule, ces deux-là. Magali s'est rincé la bouche avec la bouteille d'eau tiède qu'elle traîne au fond de son sac depuis 8 jours. Elle a honte du triste spectacle qu'elle vient d'offrir. Se dit que maintenant qu'elle s'est bien ridiculisée, aucun des deux ne voudra d'elle. Mais il n'éprouve pas grand-chose de plus que de l'indifférence. Les voilà qui s'éloignent de la musique et du bruit, s'avancent dans l'ombre du bois, dans la lumière terne des rares réverbères, les odeurs vertes de végétation humide. Ses talons de bottines résonnent d'un bruit sourd sur le bitume des allées. On devine au loin, près du lac Daumesnil, les camionnettes des putes en plein tapin avec leur lumière rouge sous le pare-brise. Les deux garçons se regardent en soupirant. Ils se comprennent sans un mot. Ils s'en seraient bien payé une, seulement comment faire avec la blondasse au milieu? Trop tard, ils bandent déjà d'une trique implacable. À 25 ans, on bande plus vite que son ombre, c'est incontrôlable. « Nous qu'aille fait épice à qui nie, nous pas qu'aille fait difficile », qu'il dit Martin. « On va faire avec ce qu'on a, on peut pas faire les difficiles. » L'autre ricane et puisqu'elle n'a pas pigé, la fille les imite pour se donner une contenance. Et puis, le chabin prend la main blanche potelée aux multiples bagues bon marché, la pose sur le renflement de sa braguette en lui chuchotant « tu es vraiment belle ce soir ». Se souvenant qu'à une belle, il faut dire qu'elle est intelligente pour lui faire plaisir, mais une moche, au contraire, faut lui dire qu'elle est belle si on veut la faire bouillonner. Ça y est. Il l'écarte des rares lumières vers les fourrés. Ses talons s'enfoncent dans la terre. Ils sortent les pieds laiteux par-dessus l'encolure de son haut. Ont envie de pincer les énormes crêpes roses qui lui servent d'aréole, mais la caressent pour pas la mettre de travers. C'est pas le moment qu'elle parte en gueulant. Le nichon gauche est clairement plus gros que le droit. Imaginez des larges mains sombres sur la poitrine diaphane, aux veines bleuâtres apparentes sous la finesse de la peau. Lolo tellement lourd qu'elle pourra nourrir sa portée toutes les heures. Tellement blanc qu'ils sont presque fluo dans la lumière de pleine lune. Comme il commence déjà à être victime de la gravité, ses nibards, elle a de la sueur dans le pli du dessous. Steve, ça le fait bander, la sueur de tétasse. Il soulève la mamelle droite, se penche pour passer la langue. Martin l'imite à gauche. Magali retient les nuques crépues, gémit, pour les encourager. Elle se sent gâtée comme une gosse au rayon jouet qui ne sait plus où donner de la tête. Elle aurait juste préféré ne pas être malade pour mieux en profiter, c'est dommage. Elle n'en espérait pas tant, surtout un soir pareil. D'un coup, elle se sent des talents inespérés de Messaline. Ce qui se passe ensuite n'est pas tellement racontable, mais je vais quand même raconter. C'est le moment où elle se sent déjà bonne à être prise, a envie de se faire palper là, dans le marécage où la pauvre ficelle de string est rendue toute gluante contre son trou de balle qui palpite et contre sa chatte tellement coulante qu'elle risque la déshydratation. Mais les lascars veulent surtout se faire toucher la queue et se trouvent déjà bien sympas de la caresser alors qu'elle pue encore le vomi. Ils ont peur de ce qu'ils vont trouver entre ses fesses, vu que les blanches ont la réputation de mal se laver. Niveau bite, on est paré. C'est de la poutre de Bamako, du braquemar de compète qui dépasse des braguettes. Avec des gestes secs, chacun l'encourage à branler. puis à s'accroupir pour que son visage soit frôlé par la paire de chibres. Martin chuchote trop de maquillage, en étalant avec sa queue le reste du rouge à lèvres et les fards de supermarché qu'elle avait mis pour leur plaire. Une queue pas circoncise qui sent la marée. Martin observe son copain occupé à l'imiter en ajoutant à l'intention de la fille « Si tu fais ça bien, tu auras droit à des gros cadeaux. » Ok, elle trouve l'image grossière, mais ça ne lui déplaît pas. Alors la voilà à sortir grand sa langue percée, en se prenant pour une suceuse de films porno et en regrettant l'absence de caméra parce qu'elle trouve l'ensemble poétique. Oui, vous avez bien lu. Il y a des camions de pute à 100 mètres, mais elle trouve ça poétique. Cette nature, ce clair de lune, le lac Doménil au loin, avec le sol pleureur au-dessus de l'eau. Moi, entre nous, je vais vous dire, je ne suis plus si sûre que Magali soit vraiment si stupide que ça, puisqu'elle est capable de voir la beauté même barbouillée de crasse. Approchez-vous, pour mieux voir. Elle passe de l'un à l'autre en laissant des filets de bave, se délecte des odeurs et des goûts qui se mélangent jusqu'à former un nouvel arôme propre à eux deux. Ils ont de l'écume jusqu'aux couilles, leur jean va être taché. Elle a viré son short, son string, elle branle copieusement, accroupie dans un bruit de potage, son clitoris perdu dans le dédale de chair molle des petites lèvres qui dépassent largement des grandes, comme des ailes de papillon visqueuses. Comme elle ne prend pas tellement soin d'elle, regardez la couronne de poils poisseux sur sa chair boursouflée par l'envie de phallus. Elle aurait pu se faire jouir comme ça, tranquillement, sans rien demander de plus. Mais Steve la ramène à la réalité. « Lève-toi et penche-toi. » Comme elle ne se penche pas assez, il ajoute « Fais comme si tu voulais ramasser quelque chose par terre, jambes tendues. » La voilà pliée en deux, le visage renversé à hauteur des genoux, à s'appuyer des deux mains sur l'herbe. Le sang lui monte au visage. Elle n'est pas très souple, s'attire derrière les genoux. La position est aussi inconfortable qu'humiliante, mais obéir aux injonctions de ses amants compense son délectable embarras. Steve lui a remonté la jupe sur les reins. La dentelle forme une corolle noire autour du V renversé de ses jambes de velours blanc. On devine le tatouage à la con sur sa hanche qui dit « Kevin », dont elle était amoureuse pour toujours il y a 2 ans. « Merci Kevin, mon frère !» s'amuse Martin. L'autre émet un rire plus vulgaire qu'un P. Elle se sent idiote. Elle a encore honte. Ça commence à faire beaucoup pour ce soir. Alors elle proteste. « Ça va, faites pas chier !» Martin aventure furtivement 2 doigts dans la raie pour les renifler, vérifier qu'il ne va pas s'empoisonner en y collant sa langue. Comme ça sent raisonnablement le cul, il lui fait lécher les doigts, penche son visage. La bouche épaisse atterrit sur la fente, le nez pile à hauteur de l'anus. Son borsalino est tombé dans l'herbe. Il aime bien caler sa langue là, mais son pote aurait pris ça pour un manque de dignité de trop renifler cette pite. Hein. Alors il fait vite, récupère le maximum de jus d'abricot en se disant qu'il faut qu'il y passe en premier, se relève debout derrière elle, glisse 2 doigts dans l'ouverture somptueuse digne d'un hall de 5 étoiles, pose vite son sexe dessus, frotte pour voir si elle dit quelque chose. Elle n'a pas l'air d'y voir d'inconvénient. Comme toutes les folles, Magali s'en fout des capotes. Elle y pense, mais elle s'en serait voulu de gâcher ce beau moment en suggérant d'en mettre. Alors, regardez-la donc se faire ouvrir la chatte par l'énorme membre caramel. Le glissement infiniment doux est aussi exquis que la position est accablante et inadaptée. Lui-même sent bien qu'il faut la foutre à 4 pattes pour vraiment en profiter, alors il lui demande de changer. La lumière de pleine lune fait luire d'un éclat bleuâtre la verge de Steve, qui se caresse impatiemment en attendant que l'accouplement trouve une issue. Il aimerait bien que ça s'éternise pas vu le contexte et demande « Fais des bouaya, moine pas tranquille. Dépêche-toi, je suis pas tranquille. » Alors Martin, bien qu'il eût volontiers profité de sa pouliche plus longtemps pour juter plus fort, accélère ses coups de rein pour faire monter sa sève. Crispé, les longs doigts bruns sur la chair livide et sur le tatouage Kevin. Froncé, les sourcils, puis tout le visage perdu dans le plaisir, la lèvre épaisse qui sent encore la chatte de fausse blonde mordue. Il finit par lâcher tout son paquet au fond, en se disant que ce qui se passera ensuite ne le concerne plus. Referme sa braguette et rallume le joint qui tenait en équilibre sur son oreille depuis 1/4 d'heure. Regarde ailleurs, ignore Steve, profitant à son tour de cette ruine de meuf qui va probablement les harceler par texto avant la fin du week-end pour savoir quand elle les reverra. De son côté, Steve préférait, par mesure d'hygiène discutable mais psychologiquement compréhensible, enculer Magali au lieu d'aller se fourrer dans le sperme de son pote. Il tente d'y aller doucement avec du crachat, mais rien à faire. Elle dit que ça passe pas et il ne se voit vraiment pas tout remballer et repartir comme un galérien. Alors il soupire et, à contre-cœur, enfonce son sexe dans le tunnel plus glissant qu'une patinoire. Elle, elle a joui quand elle a entendu l'autre dire « Dépêchez-vous, il y a des gens qui approchent !» Quand elle a levé le nez, elle a vu que c'était des conneries, qu'il n'y avait personne, qu'il avait dit ça pour qu'il s'active. Elle a quand même joui, en couinant, en se retenant de faire trop de bruit. La patouille de l'orgasme féminin, ajoutée au sperme de son prédécesseur, a rendu le vagin tellement évasif que le bon Steve secoue la tête en disant « Man, pas qu'est joué, pied !»« Je vais pas te ménager. » J'aime autant vous dire qu'il ne fait ni dans l'amateurisme ni dans le bon sentiment. Il a cartouche manu militari. Même si elle chigne, le nez dans les brins d'herbe, les genoux dans la terre fraîche, son médaillon de la Sainte Vierge battant entre ses seins pendants, il finit par y arriver, en se concentrant. Bim, dans le mille, grand assortiment de chromosomes. Magali a gagné le gros lot. En se relevant, elle a la tête qui tourne, pas de Kleenex pour s'essuyer, que dalle. Elle a envie de pisser, se soulage dans l'herbe, puis renfile avec un léger écœurement son string mouillé et froid, son short par-dessus. C'est bien, il parle de tout autre chose, comme d'un incident qu'il vaut mieux passer sous silence, sur le chemin du métro, en passant devant le musée de l'histoire de l'immigration, décoré de bas-reliefs d'inspiration exotique, avec des Africains et des éléphants. Ça lui donne envie d'aller se cultiver à Magali. Elle les quitte en leur disant « Bonne nuit, mes amours !» Ça les dégoûte, surtout Steve, celui qui est passé en deuxième. 5 semaines plus tard, figurez-vous qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle n'a plus ses règles depuis longtemps. Elle finit par se douter que quelque chose ne tourne pas rond. Il lui faut arrêter le pont chez les soirées zouk et puis refaire sa garde-robe, puisqu'en janvier naîtra une délicieuse petite fille qu'elle appelle Luna. Luna n'a pas un, mais une multitude de papas qui se succèdent dans la vie de sa mère. Ses papas, c'est l'Afrique subsaharienne tout entière. Magali a rejoint Médecins sans frontières. Elle part s'installer à Brazzaville à la fin de l'année. Vous venez d'écouter « Oser, 20 histoires de plan à 3 » de Prax, Rita, Louise Laédec, Alibert, Héloïse Lesage, Stéphane D'Enfer, Vespertille, Clarissa Rivière, Zakia Gnaoui, Juliette Dissan, M. Frost, John Black Fox, Anaël Verdier, John Faredes, Noan, Anaël, Nice Vanessa, Jao Miguel Bailedos Pasarinos et Eugénie d'Aragon. Lue par Marjorité, un titre de la collection Libido. Merci et à bientôt chez Audible.